Fimav. Ayi, ata. C'était Web Music qui débutait avec Umoja, la pièce Fia. C'était sur l'excellente étiquette Buda Beats, une étiquette qui nous vient de la ville de Budapest. On poursuit l'émission cette fois-ci avec Shuzosen. C'est la pièce de Walker. C'est publié sur l'étiquette Enough Records. C'était donc tiré de l'album Awesome is Grey. Tout de suite après Chu Josen, ça va être DJ Wang. Je vous fais entendre la pièce Crazy Jazz et ça, c'est sur l'étiquette Zimmer's Record. Shut it up. écoute ces deux pièces à Web Music.

ça, on écoute ça. We'll be right back. C'était Noya avec la pièce 9-6. C'était sur l'excellente étiquette Internet Recordings. Ça va déjà être tout pour Web Music. Je vous invite à rester à l'antenne de CKRL, c'est Maniac Session qui suit tout de suite après. Donc, nous, on se quitte sur une dernière pièce. C'est encore sur l'étiquette Internet Recordings. La pièce s'intitule Yellow Cake et c'est par Boudoka. Donc, on se laisse sur cette pièce et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 19h pour une autre émission de Web Music. Téléchargez Web Musique sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Ils sont en préparation d'un nouvel album. On pourrait parier que c'est cet album qu'ils vont venir nous présenter, mais quand même, ils vont nous jouer évidemment les vieux classiques, espérons-le. Et je vais vous faire jouer la pièce. Qu'est-ce que je vais vous faire jouer d'ailleurs? Ouais, c'est Cardboard Land. C'est un des classiques de Crash Course in Science. Dans deux minutes, c'est l'émission Maniac Session, animée par Saint-Michel. Si vous avez été dans les bars un peu alternatifs des années 80, début 90 à Québec, ben, c'est sûr que vous avez déjà entendu cette pièce-là. C'est KRL. Québec. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% en présentant votre carte à la boutique Écoutantique au 160 rue Saint-Paul. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Coucou! Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as pas d'école? J'y vais pas, faut que j'apprenne mon texte. J'ai full texte à apprendre, je sais pas comment je vais y arriver. 2 piastres pour un billet. Ah ouais, pas de privilège. Là, une pièce de Serge Boucher dans une mise en scène de Marie-Hélène Gendreau, présentée au Théâtre du Conservatoire d'art dramatique de Québec du 3 au 8 mai à 19h30. Billets disponibles au prix de 10 $ pour adultes et 5 $ pour étudiants. Informez-vous au 418-643-9833.